Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbo-Mistassini, 418-979-7812. L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Dolbo-Mistassini. Les propriétaires M. Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'usinage numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbo et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbo et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Dans la rétrospective de la Ligue nationale de football avec notre ami du site internet lebetsnfl.com, Tony Guzzo. Salut Tony. Bonjour Danny. Ça Tony, évidemment, ça a commencé, l'année a commencé avec le Super Bowl. Le Super Bowl, et ça a été gagné dans un match quand même très défensif. Moi, j'ai aimé le match. Il y en a plusieurs qui ont qualifié d'un des Super Bowls les plus plates. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Là. Ouais. Parce que tout était calculé. Les botteurs avaient une job à faire également. Défensivement, ouais. C'était... Moi, j'aime les matchs de 14-3. J'aime ça, les matchs de... Et c'est ça que ça a donné, je pense, si je me rappelle bien. Donc, une belle victoire des Pats pour un autre Super Bowl de la gang à Tom Brady. Tout à fait. Félicitations aux Pats encore une fois. Puis, je dois dire, les gens, c'est ça, on a, je sais pas si c'est rien qu'au Québec ou c'est tous nos genres de gens, mais les gens qui regardent le football, tu sais, en plus, le Super Bowl, je te dirais, 80% n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi la saison, donc c'est un événement entre des amis tout ça. Mais comme tu dis, un bon match là, c'est quand les trois niveaux de jeu, on parle l'attaque, la défensive puis les unités spéciales. C'est très important quand les bonnes équipes. Puis on avait quand même, t'avais le Bill Belichick, l'expérience contre le jeune McVay, qui était entouré aussi de bons entraîneurs. Fait que c'était vraiment un duel, tu sais, un mind game, comme on dit, au niveau du coaching. Mais on a vu que les Patriots, avec l'expérience, puis tu sais, un sixième championnat, plus de présence, ça paraît que c'est une équipe qui savent comment gagner. Sont préparés, qui savent comment gagner aussi. Là. Puis des fois, un match comme ça, ça se gagne aussi la semaine avant. Tu sais, quand t'arrives, toute la gestion, tu sais, les Rams, c'était une première pour bien du monde. Faut la gestion des billets avec les familles, puis tout ça. Fait que sont tous excités, mais encore une fois, les Patriots ont eu le dessus. Puis ça a été, ça a été un match quand même bien malgré le résultat. Mais chapeau. Je sais pas qui va être capable de d'égaler ce nombre de Super Bowl-là à l'air qu'on avec les caps salariales et ainsi de suite. C'est vraiment là, c'est chapeau à cette organisation-là, Bill Belichick. Là, il est arrivé à la retraite de Gronk au début du mois d'avril. Puis ça on a... Par le passé, ça paraissait pas, mais là, ça paraît cette année. Gronk manque cruellement aux Pats. Exactement. Puis, ben, oui, il a manqué, mais si on regarde, c'est la saison, on va en parler, c'est la revue, là, les Pats en 2019. Oui, ça l'a manqué, Gronk, mais ils ont eu beaucoup, tu sais, ils ont commencé l'année, on s'attendait à Josh Gordon, puis il y a eu des problèmes. Ils sont allés chercher Antonio Brown, qu'on va, tu sais, c'est ouais. un élément de la revue que... Tu sais, je veux dire, le gars, il a eu ses problèmes, mais sur le terrain, c'est un excellent joueur. Fait que Tom Brady, moi, je trouve qu'il a été frustré à cause de tous ces changements-là. Mm. Puis là, en fin de saison, il y a eu des receveurs un peu plus jeunes, un peu plus inexpérimentés. Puis je l'ai trouvé un peu impatient avec ses receveurs parce que je le vois dans sa face, tu sais, je veux dire, veut pas, mais... je le vois dans sa face que je veux dire, donne-y la chance, puis je sais que ta passe était parfaite, puis le gars l'a échappé, mais ça prend du temps, de la patience, puis regarde, aujourd'hui, on enregistre ça le 23 décembre aujourd'hui. Regarde, ils ont connu un très bon match samedi. Tu sais, je veux dire, puis là, de plus en plus, les gens ils disent bon, ben, si les Pats sont capables de travailler avec la façon qu'ils ont joué samedi, ben là, on les voit encore. Ce matin, ils en parlent encore. Ça peut être dangereux pour les Pats, dans le sens que ça va être une équipe à battre quand même, malgré tout. Ben, ils savent comment gagner, hein. Ils savent comment gagner. Exactement. Et les Ravens, ça fait plusieurs défaites quand même, plusieurs victoires de fil. À un moment donné, ils sont dus pour en perdre une aussi, là. Oui, les Ravens, ça fait 11 de suite qu'ils gagnent, puis c'était la défaite contre les Browns, puis oui, comme tu dis, ça va tellement bien, puis tu sais, des fois, une défaite, ça te fait un peu remettre sur terre. Comme tu dis, tu sais, tout est possible en éliminatoire. Effectivement, donc... on va y aller maintenant avec la retraite de... Ben, on va parler du repêchage de la Ligue nationale de football où que on a quand même... c'est Kyler Murray qui a été le premier choix au repêchage. Est-ce qu'on peut dire que c'est intéressant jusqu'à là? Oui, ben, moi, la seule affaire qui sont en train de, malgré un jeune entraîneur aussi en Kingsbury, là, Arizona, mais il travaille bien, il développe bien en ce moment, sont capables de trouver des jeux, ils s'adaptent aux joueurs et non le joueur qui doit s'adapter au système, donc sont en train d'implanter un système, puis là, Kyler Murray, qu'est-ce qu'il va... Parce que pour les gens qui ne le savent pas, il est très petit, là. C'est le danger de ces corps arrière-là, c'est un corps mobile, donc tu vois, il s'est blessé même hier, dimanche, durant le match, donc faut faire attention, mais est-ce que c'est le meilleur premier choix pour les Cards? Oui, parce qu'il voulait un corps arrière, parce qu'il avait sélectionné Josh Rosen dans le passé, puis il voulait pas continuer avec. Je pense que c'est une excellente décision, parce qu'on voit que Rosen n'est pas prêt, même mentalement, il est très fragile, Rosen, si on en revient à lui. C'est un bon choix pour les Cards, mais est-ce que c'était le meilleur joueur disponible pour le repêchage? Non. Il y avait d'autres joueurs comme Nick Bosa. C'est un excellent joueur défensif. Le deuxième choix pour les Niners. Donc, il dominait de cette année par là de ça. Exactement. Okay, ce sont des décisions de même qui fait que c'était Nick Bosa le meilleur joueur du repêchage en 2019, mais les Cardinals devaient aller chercher un corps arrière. Sont allés chercher, là, faut donner ça aux Cards, sont allés chercher Kenyon Drake. Donc, un bon porteur de ballon qui vont peut-être avec David Johnson, vu qu'il coûte cher. Ça se peut que David Johnson ne sera plus de retour avec les Cards. Donc, au niveau du repêchage, ça a été un excellent repêchage pour les Niners. Puis pour le reste, ben, c'est un, comme on dit en anglais, un work in progress. Faut être patient, faut regarder ça. Avec les années à venir. Mais des corps arrière petits, mobiles, j'ai un peu de la difficulté personnellement, mais au moins l'équipe ont adopté un système en fonction du joueur, puis je pense qu'ils vont bien, ça va bien en ce moment pour les Cards. OK, après ça, il y a eu quelques transactions vraiment, dont celle d'Antonio Brown qui a fait parler. Antonio Brown qui a passé deux transactions qui est passé aux Steelers de Pittsburgh, ça c'est aux Raiders d'Oakland, pardon, ça c'est au repêchage de la Ligue nationale de football, si je ne m'abuse. Oui, ben, ça a été, non, ça a été avant le repêchage. OK, avant le repêchage, OK, c'est ça. Ouais, ils ont échangé Antonio Brown aux Raiders pour un troisième choix et aussi un cinquième choix à Oakland. Puis après ça, il est allé aux Patriots durant l'année. Donc, je pense que, oui, c'était une transaction majeure. Puis je pense que Antonio Brown est aussi un élément de la revue de l'année. Une grosse saison controverse, genre-là. Je pense que les Steelers sont très heureux aujourd'hui. Même les Raiders sont heureux aussi, dans un sens, parce que le problème, c'est l'individu. Ça n'a pas d'allure. Je peux pas croire que ces des joueurs de même, des individus comme ça, penser à lui-même, le moi est plus fort que la ligue, est plus fort que le sport. Mm. Puis là, Gartley aujourd'hui, il est à la maison, puis il joue pas. Okay. Fait que c'est un grand. Au niveau des transactions, c'est un des joueurs. Il y a l'autre aussi, on a vu Joe Flacco. Ouais. Aussi, ça c'est une transaction. Il est passé des Ravens à Denver, et on en regarde aujourd'hui. C'est vrai que Flacco est blessé, mais je pense que ça a été une transaction qui a été décevante pour les Broncos, qui sont à la recherche d'un corps arrière. Mais je pense que Drew Lock, tu vois, ils ont connu une deuxième. Ouais, puis ça va bien pour les Broncos. Ils ont gagné hier, donc je pense qu'ils ont trouvé un corps arrière. Puis comme on a dit dans les dernières semaines, je pense que les Broncos finalement peuvent donner une chance à ce corps arrière-là, ouais. Drew Lock, puis de s'entourer ailleurs, parce qu'ils ont tellement mis d'énergie pour trouver le corps arrière qu'ils ont négligé ailleurs. Donc, surprenant, John Elway, hein? Tu regardes ça, là. Mais je pense pas qu'il l'a pas essayé de trouver un corps arrière. Ouais. Tu sais, Paxton Lynch, ouais. Case Keenum. Après ça, tu as eu Joe Flacco. C'est pas qu'il n'a pas essayé, là. C'est que c'est pas facile de trouver un carrière. Puis on l'a vraiment, là, on l'a vu, là. Malheureusement, ouais. La business, dans tout, vu que c'est une ligue qu'il faut vraiment gagner tout de suite, on peut pas laisser le temps. Puis des fois, on a besoin du temps aussi pour voir. Fait que c'est ça. Fait que, okay. D'autres transactions notables? On a vu Ryan Tannehill partir des Dolphins aux Titans. Et ça semble être son éclosion pour lui, là. Oui. Ben, je l'ai dit, moi, pour un gars qui suivait les Dolphins, c'est un bon corps arrière. Puis il y avait quand même une fiche gagnante. Ça allait bien avec Miami jusqu'à temps qu'il se blesse. Puis je trouve qu'ils ont peut-être. Ça a été un retour hâtif. Puis, veut pas, les Dolphins sont plus ou moins bien entourés, mais je pense que là, il a trouvé sa place. Puis là, ça démontre aussi, on parle de transactions notables, on risque d'avoir une transaction dans la prochaine saison. C'est Marcus Mariota, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. Malheureusement, ça n'a pas été... Mais pour Tannehill, c'est un gars, justement, faut être patient. C'est un gars qui est devenu un corps arrière tard dans sa carrière aussi. Donc, je pense qu'il est bien entouré, puis il y a un bon système à Tennessee. Je pense que Tannehill va être le futur pour l'instant à Tennessee. Ouais. D'autres transactions, on a parlé les Steelers ont fait une bonne aussi, là. Le choix première ronde, là, cette année, là. Ben, les transactions notables, c'est tout ce que les Dolphins ont donné. Ouais. Minka Fitzpatrick, un excellent défendeur, est rendu à Pittsburgh. Ça, avec, c'est une transaction notable cette année, en 2019. Les Texans qui ont échangé Jadeveon Clowney à Seattle aussi, c'est une transaction notable. Miami a échangé Fitzpatrick, Tunsil, Kenny Stills. Ils ont échangé Alonso aux Saints aussi. C'est tous des bons joueurs que Miami avait de potentiel, mais Miami devait comme recommencer à zéro, puis ils ont fait le ménage à ce niveau-là. Effectivement. Puis là, ils n'ont même pas le premier choix, là. C'est les Bengals qui vont l'avoir. Exactement. C'est ça. C'est les Bengals qui vont avoir le premier choix au prochain repêchage. Ouais, et Joe Burrow. Mais par contre, Chase Young, c'est tout un joueur de football avec Ohio State, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est là qu'on va voir les Bengals. Est-ce qu'ils ont fini avec Andy Dalton? Donc ça va être Burrow ou Chase Young. Mais moi j'irais pour. Il faut bâtir la défensive puis essayer de peut-être de se bâtir avec même les agents libres là, comme corps arrière ou essayer des choses là. Fait que c'est un peu ça qu'on a vu. Les PTS sont allés chercher Mohamed Sanu. Ça a pas, c'est pas un succès à date. On peut pas le dire que c'est un grand succès à date. Moi, je suis déçu un peu. Je m'attendais à mieux que ça, moi. Mais je reviens à l'attitude de Tom Brady, là, parce que là, il faut faire attention, parce que là, c'est Hank Julian Edelman, là, sa cible préférée. J'ai l'impression que Tom Brady, il est impatient, puis il voit pas son champ de vision comme il faut. Puis, mais oui, ça n'a pas été un succès jusqu'à date pour Sanu non plus. Là, Dans les autres, il y a eu des congédiements aussi, des congédiements quand même... Jay Gruden à Washington, de ce que je me rappelle. Également, il y a eu aussi... Ron Rivera avec les... C'est surprenant, parce que c'est un bon instructeur. Mike McCarthy aussi avec les Packers de Green Bay, ça, c'est un bon instructeur également, qui a été congédié. Il y a eu huit changements. Il y a eu huit nouveaux entraîneurs pour commencer la saison. Donc, dans les gros noms, il y a Marvin Lewis qui a quitté après tant d'années. Pour les Bengals, les Browns ont congédié Hugh Jackson. Oui. Les Broncos, Vance Joseph, Mike McCarthy, c'est un des grands noms. Adam Gase qui a été congédié à Miami, qui est là avec les Jets. Je te dirais le grand nom dans les départs, c'est Mike McCarthy. Puis on se demande si il va être un candidat à surveiller. Il va toujours être dans les discussions. Dans les deux derniers, pendant la saison, comme tu as mentionné, Jay Gruden et Ron Rivera et les coachs en danger. Il y en a plusieurs, Pat Shurmur, Jason Garrett, après ça, Miami, ça va sauter aussi. Non, pas Miami, avec Brian Flores, non, ils sont en train de bâtir autour de lui, puis ils ont quand même eu 4 victoires, là. Ils ont quand même 2 victoires de moins que les Browns, que tout le monde voyait loin. Mike Kitchen avec Cleveland, justement, tu parles de Mike Kitchen, ça va sauter aussi avec les Browns de Cleveland. Moi, je le prédisais déjà. Dans les transactions qu'on n'a pas parlé, sur Odell Beckham, c'en est une autre transaction, ça, puis Beckham... Écoute, c'est pas le côté attitude, ça laisse à désirer dans le cas d'Odell Beckham. Ouais, c'est un autre problème, ça, Odell Beckham, mais je dois donner, ils ont tellement allé chercher des personnalités fortes comme ça à Cleveland, ça les a nuit plus qu'à aider. Donc, puis Odell Beckham, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Là, 2 semaines, il voulait se faire échanger, là, il veut demeurer. La direction dit qu'ils vont le garder, mais tu sais, avec Jarvis Landry, tout ce monde-là, tu peux pas avoir deux grosses personnalités fortes dans un noyau de receveurs, parce que tu sais, c'est difficile, là, puis c'est des individus, puis Doug Marrone, comme aussi. Tu dis, Doug Marrone à Jacksonville est un candidat, puis à un moment donné, c'était Dan Quinn à Atlanta, sauf qu'ils ont connu quand même une bonne deuxième saison. En tout cas, c'est les 5 noms à surveiller. Garrett, Shurmur, Kitchen, Quinn, Marrone à Jacksonville. Ça risque d'avoir un Black Monday intéressant. Un Black Monday, effectivement. Lundi noir. Donc, aussi, peut-être à mentionner l'éclosion de Lamar Jackson comme carrière. C'est l'actuel, il est MVP. Il est seul pour le titre d'MVP. J'ai hâte de voir la question qu'on se pose, le style de Lamar Jackson, les carrières par le passé, on en a vu plusieurs, puis ça a pas fait long feu, leur carrière, mais donc il faut quand même parler de l'éclosion de Lamar Jackson avec les Ravens de Baltimore. Qu'est-ce qui a aidé pour Lamar Jackson, c'est aussi le fait que ils ont travaillé aussi sur son jeu dans la pochette comme passeur, puis il passe très bien. Sauf que hier encore, j'ai regardé le match Baltimore-Cleveland, puis même jusqu'à la fin, il menait tellement qu'ils n'ont pas sorti. C'est dangereux, un joueur comme lui, mais il est excellent. Les équipes défensives adverses, ils ont bien de la difficulté à le bloquer. En ce moment, je dirais, c'est une des seules équipes qui domine en ce moment. Mais s'ils sont capables de... Parce qu'il y a... Il est capable de courir avec. Il y a le fameux read option dans le sens que est-ce qu'on lui donne, est-ce qu'il court avec, est-ce qu'il donne. Il y a quand même un bon porteur. Il est vraiment bien entouré. Puis la différence en ce moment, et c'est une des raisons qui va peut-être gagner son MVP, c'est que ils ont quand même, ils passent très bien dans la pochette. Donc les défensives est trop douteuse. On ne sait pas quoi faire. C'est une attaque vraiment unique qui est difficile. Qui n'a pas assez de vidéos, comme on dit, de tendance, même Bill Belichick qui est capable de normalement de bien défendre. Puis il y a la meilleure défensive Belichick, c'est les Pats, puis ils ont bien de la douceur à le contrer. Donc il était une blessure, Lamar Jackson, à peut-être nuire les chances de Baltimore. Mais est-ce que c'est un corps arrière qui va durer longtemps? Ben tu sais, il a bâti les records de Michael Vick. Mais ça dure pas trop longtemps, mais on y souhaite parce que c'est quand même excitant de le voir aller. Mais chapeau à Jackson, puis oui, c'est un candidat qui à MVP, puis il se démarque très bien parce qu'il y en a un qui joue, c'est McCaffrey avec les Panthers, mais ouais. je pense que parce que McCaffrey ils ont pas fait les séries, le MVP devrait aller à Jackson. OK. Il y a des gens qui sont décédés, il y en a plusieurs qui sont décédés, évidemment, qu'on ne fera pas la démantelature de plusieurs, mais il y en a un, moi, qui m'a marqué, c'est arrivé tout récemment, c'est Van Johnson avec les Saints de Nouvelle-Orléans. Les gens qui ont connu la, je sais pas si tu te rappelles, Tony, la fameuse Doom Patrol qui était Swimming, Sam Hills, au début des années 90, c'était vraiment un quatuor de secondaire extraordinaire. C'est vraiment là, c'est le décès. Il est mort à 58 ans. Il est mort très jeune aussi. Oui, c'est jeune. Je vais être honnête, je ne sais pas pourquoi, par exemple, là, pour quelle raison il est marqué, décédé. Hein? Mais... On l'a pas. Non, c'est ça, on n'a pas vraiment entendu, mais je te dirais, comme tu dis, dans les années 90, là, même avant l'arrivée de Sean Payton et de Drew Brees, les Saints étaient un peu méconnus, mais grâce à ce Doom Patrol, comme on dit, les partisans des Saints ont quand même eu quelque chose à regarder. Malheureusement, le résultat était plus ou moins là. Ils avaient une défensive incroyable, les Saints. Ah oui, ben, ils étaient connus pour ça. Puis tu voyais qu'ils essayaient de bâtir l'attaque autour pour essayer d'aller loin. Mais oui, ben, les Saints ont été connus pour ça. C'était Bobby Hebert qui était le corps à l'époque aussi. Je sais pas si tu te rappelles. Bobby Hebert qui était le corps. C'est ça. Effectivement. Tony, si tu peux faire une pause, je vais te demander ce que tu prévois en 2020. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est situé au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 418-679-4194. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines Boréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Comment tu vois la deuxième, le moment où on enregistre le podcast, c'est le 23 décembre, donc les séries s'en viennent à grands pas, il reste une semaine. Comment tu vois les séries? Bizarre et embêtant, comme tu dis. Ouais. ça va être intéressant parce que, je veux dire, à part en ce moment les Ravens dans l'AFC qui dominent en ce moment, qui jouent très bien, qui ont un système de jeu qui est difficile à prévoir. On voit peut-être les Chiefs qui jouent très bien dernièrement, les Patriots qui ont très bien joué samedi. Je pense, comme on a dit en début de saison, les Chiefs devraient sortir. Ben, tu sais, on avait prévu les Chiefs en finale, mais ils vont avoir un obstacle avec les Ravens. L'AFC, ça va être entre ces deux, trois équipes-là. Dans la NFC, c'est quand même bizarre un peu. Ben, il y a une équipe qui veut vraiment pas gagner dans l'Est, là, les Eagles ou les Cowboys, là. On sait pas qui va sortir de là, mais ils vont sortir assez vite. Mais les Saints vont très bien. Toi, tu avais prédit les Saints et les Chiefs au Super Bowl. On était d'accord, je pense. Oui, on était d'accord là-dessus. Puis ça se dirige pour ça parce que les 49ers, contre les grosses équipes, ils ont de la difficulté. Ils sont capables de. Ils sont très combatifs, mais à un moment donné, à la fin, là, quand tu tires de l'arrière ou faut que tu te battes tout le temps, il y a l'aspect fatigue. Je suis pas sûr que les 49ers risquent d'aller loin. Les Packers, peut-être un peu surévalués. Il y avait un calendrier. Rodgers ne connaît pas une grande saison, non. Hein. C'est ça. Puis la défensive les a aidés. La défensive ont fait gagner ces matchs-là, mais ils sont pas constants comme peut-être les Saints ou même les 49ers qui sont très bons. Je pense qu'on va voir quand même des séries, des éliminatoires intéressantes. Je veux dire, moi, le top 4, je vois Ravens, Chiefs, puis de l'autre côté, les Niners, les Niners Saints, là. Fait que je pense que ça se dirige, ça va être intéressant à ce niveau-là, au niveau des séries, là, okay. Pour qu'est-ce qui s'en vient. Deux points que j'ai oubliés, ça passe tellement dans une année dans le monde du sport. Ouais. Deux points que j'ai oubliés très importants, puis ça vient juste d'arriver. Drew Brees qui bat le record de Peyton Manning, ça faut en parler. Oui. Les Raiders, le dernier match à Oakland des Raiders, ça aussi faut en parler, ça c'est historique ce qui s'est passé à Oakland. Les Raiders, c'est une tradition, c'est l'une des équipes les plus prestigieuses de la NFL, ils sont partis. On a parlé, c'est dommage pour les fans des Raiders. Pour une deuxième fois, ils avaient quitté et sont revenus. Parce que les Raiders, c'était depuis les années 60 qu'ils sont arrivés à Oakland, dans le même stade, le fameux stade avec le terrain de baseball, un des derniers. Donc, ça va être vraiment malheureux. Ça va être difficile parce que ils s'en vont dans une ville touristique. Je sais pas jusqu'à quel point ils vont avoir un fan base, donc des partisans. Je pense pas qu'on va revivre un black hole. Non. Ça va être vraiment partagé. J'espère juste pour les Raiders parce que on l'a vécu avec les Chargers quand ils sont partis de San Diego à Los Angeles dans le stade de soccer, là, qu'il y avait même pas les fans des Chargers n'étaient même pas là, donc c'est difficile. Là. On veut l'avantage du terrain, puis je me demande jusqu'à quel point ils vont l'avoir. Mais c'est un terrain mythique, c'est un historique, le Black Hole, les partisans, le Silver and Black, bien des gens de ta génération. J'ai connu les Raiders, ta génération aussi, t'es la même, tu te rappelles des années de... Marcus Allen, Jim Plunkett, Tom Flores, un entraîneur. Aller jouer au Oakland, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Puis c'est pour ça que j'ai aimé les Raiders, parce que c'était une gang de bums. Puis avec les Blackhawks qui étaient là, moi je me rappelle de ça. C'était intimidant jouer au Oakland. Puis tout le monde voulait y aller, tu vois. Même Jerry Rice est allé là après les Niners. Il est allé jouer là. Puis on en parlait l'autre jour, là. Tout le monde, là, c'était intimidant, le Black Hole. Puis même les gens qui se déguisaient, là, ça, c'était n'importe qui, là. On parle des médecins, des avocats qui se déguisaient comme des malades. Puis on le verra pas. Puis malheureusement, je pense que c'est. Je te dis, à part de Cleveland, là, tu sais, quand on, tu sais, on parle de partisans très fidèles, là, je pense pas qu'on va revivre Raiders, quelque chose comme les. Écoute, ouais, les Raiders, mais c'est ça, mais... les Raiders, écoute, c'était à Oakland, puis la foule était encore dedans, là. Oui, c'est ça. Puis c'est une dizaine d'heures de route là, d'Oakland à Vegas. Je sais pas s'ils vont prendre l'avion à chaque fois. Là. Peut-être que ça coûte pas cher, des petits vols internes. Là, mais tu as raison. Oakland fait partie de la revue de l'année. Moi, j'avais même indiqué la retraite d'Andrew Luck aussi. Oui, on l'a oublié. On oublie tout le temps. Ouais. Il se passe tout le temps d'affaire Andrew Luck qui a surpris tout le monde en NFL à quelques jours du camp d'entraînement. Là. Oui. Puis là, on se demande, la fin de semaine dernière, les Colts ont comme dit publiquement, on se fie pas sur le retour d'Andrew Luck. Est-ce que ça veut dire que Andrew Luck veut avoir il veut se reposer, puis on va le revoir? Je suis pas sûr, là, mais parce que c'est... Il a été vraiment magané, puis c'est pas évident, là. Moi, je le verrais même comme un entraîneur, Andrew Luck, peut-être, là. Ça serait intéressant de le voir, là, un coordonnateur. Moi, je le voyais dans XFL, mais ça a vite été... Ben ça va être une saison, on parle de revue de l'année, c'est pas la NFL, mais on va voir comment que la XFL va réagir en 2020 avec cette nouvelle ligue-là. Autre affaire que je voulais dire, c'est que à chaque année, il y a toujours quatre nouvelles équipes qui se présentent dans les éliminatoires. Fait que cette saison, les Bills, les Vikings, les 49ers. Donc, c'est très intéressant de voir qu'à chaque année, il y a toujours quatre équipes qui vont sortir du 8. Puis, on va toujours voir quatre nouvelles équipes. Ça va être très intéressant de voir comment ces nouvelles équipes-là vont réagir pendant les éliminatoires. Puis, comme tu disais, les records de Drew Brees, un héros obscur, comme on dit. Il a tellement bien... il est sorti d'une grosse... une grosse blessure v'là des années de l'épaule, une blessure à l'épaule, puis là il a ramené les Saints sur la carte, tous les records, il joue extrêmement bien. Malheureusement, il a pas gagné des MVP, il était toujours à l'ombre de Peyton Manning, Brett Favre, Tom Brady, mais ce sont des gros chiffres qu'a sorti Drew Brees là, des verges. Il a été le premier corps arrière à lancer 75 000 verges. Ça en est des verges. Le nombre de passes de toucher qu'a passé Peyton Manning. Puis il a aussi, en semaine 13, il est devenu le deuxième corps arrière à avoir 10 000 tentatives de passes. Ça en est des passes. Ouais. Fait que c'est spécial. Moi, l'affaire, là, j'ai un souhait pour 2020, Danny. Au revoir, les Pats du Super Bowl, non? En tout cas, je te le souhaite. Mais on n'en parle pas beaucoup. Ben, on en parle beaucoup, là. L'arbitrage n'était pas fort. L'arbitrage n'était pas fort cette année. Puis je pense qu'on va voir. Moi, c'est mon souhait. C'est le fameux arbitre dans le stade. Dans les loges, là, tu sais, en haut, là, un field judge, là, qui va pouvoir dire à ses arbitres, là, écoute, reviens sur ta décision, ou un arbitre qui va être actif et non plus le vidéo, là. Fait que une personne physique qui est sur place, qui va peut-être corriger ses arbitres parce que ça n'a pas été fort, l'arbitrage. C'était un vrai joke, les Saints, c'était contre les Rams, c'est ça. Écoute, les Saints ont perdu une participation au Super Bowl en raison de ça, là. En raison de l'arbitrage. Puis, c'est-tu parce qu'il manque d'arbitres sur le terrain? C'est parce que là, l'affaire des vidéos, c'est que ça ralentit pas mal. Hein? Fait que, avec la technologie, c'est sûr, c'est ça qui donne la pression aux arbitres, c'est que la technologie, il y a des centaines de caméras dans le stade qu'on voit tous les angles que les arbitres ne voient pas. Donc, c'est pour ça que le fameux arbitre que je parle, là, il est en haut là, dans les loges, avec les caméras, avec la technologie, puis je pense qu'il est capable de... on n'a pas besoin de savoir si ça vient de lui. Là, il n'y a rien qu'à dire aux écouteurs, écoute, ben là, tu l'as raté, là, siffle puis dit qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça qui va arriver. Moi, c'est ça que je souhaite. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Tom Brady, évidemment. Oui. Moi, je pense que c'est... J'espère que c'est sa dernière année. Le gars n'a plus rien à prouver. Oui. Le gars a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire. Et regarde, là... Tu sais, pour qu'on se rappelle de lui comme d'un... Oui. C'est ça. On se rappelle de lui, tout simplement, dans les bons moments. Moi, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Puis Brady devrait prendre sa retraite cette année. Ça donne quoi de jouer jusqu'à 45 ans? Non, mais t'as raison, mais c'est un peu l'ego, je pense. Mais si jamais il perd tout de suite la première game, dépendamment comment ça a été, il va évaluer aussi comment que les Patriots vont l'aider, parce que il y a eu trop de mouvements là, dans l'attaque, tu sais, la retraite de Gronk, puis tu sais, le Gordon Brown, tout ça. Mm. Mais s'il en gagne un peu, ou s'il se rend même au Super Bowl, puis il perd, il va prendre sa retraite. Mais s'il perd le premier match, puis il a pas aimé la façon qu'il a perdu, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça dépend comment il va finir, là, le dernier match. Là. Ouais. Vu que c'est le temps des fêtes cette année, c'est le 100e anniversaire de la NFL. Oui, c'est vrai. Les gens, là, il y a une émission, là, c'est le fameux les 100 joueurs là, de tous les temps. Là. Il y a Bill Belichick, il y a Chris Collinsworth, Rich Eisen, là, à tous les vendredis. Ouais, NFL Network, cette semaine, le 27 décembre, c'est le dernier, on nomme les meilleurs quarterbacks, mais si vous êtes capable d'aller revoir les autres émissions, c'est excellent, des anecdotes. On a même su Bill Belichick se déguiser en pirate dans un party d'Halloween organisé par Randy Moss. Okay. Ouais. C'est très intéressant de voir. Puis oui, il y a des noms qu'on a oubliés, mais il voulait avoir des joueurs un peu dans toutes les décennies. Là. C'était questionné un peu, mais je pense que 90% des 100 joueurs qu'on a mis sont justifiés. C'est une émission excellente à voir. Là. À regarder ça pendant les fêtes, c'est un bijou. OK. Tony, il me reste qu'à te remercier pour ta bonne collaboration encore cette année. Écoute, on va revenir en live quoi le 20 autour du 3 janvier pour les matchs. Okay. C'est le premier de ouais, 3 janvier, c'est ça. Ouais. Pour les matchs des Walkers. Ouais. Donc on va être de retour là en live et je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Santé, oui. Bonheur, prospérité, surtout de la santé, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est des vœux qui sont plates, mais moi j'ai perdu une de mes amies qui a perdu la santé cette année, puis on le voit vraiment là, comment c'est important. Entièrement d'accord avec toi, la santé prime, ça commence par là, le reste va suivre, puis un gros merci Danny de nous faire confiance, la gang de leblitznfl.com avec bon. Wallet. Vous êtes tellement ouais. Puis j'adore ça, j'aime notre philosophie, tu sais, une gang de bénévoles, tu sais, on donne son temps. La gang est super content de contribuer. Fait que je te remercie, puis à tous les auditeurs, une bonne année 2020, puis du bon football à venir. Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.